Bonsoir, bonsoir. C'est Progapart, l'émission du rock progressif avec, comme invité, Jean-Louis. Bonsoir, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et un petit bonsoir à Arnaud, mon fils qui s'occupe de la technique quand je suis ici. Et Gabriel, mon deuxième fils, à qui je dis bonjour et dont le prénom est très évocateur. Merci à eux deux pour leur soutien technique. Et tout de suite, on démarre avec Fido, Snow Torch, et non pas Sportouche, comme disait le père Jean-Louis de la Cruz tout à l'heure. We'll be right back. Bright Eye Bryson. un petit résumé des chapitres précédents. Fido tout d'abord, Fido, Xavier Fido pour être bien précis, nouvel album superbe, à part la pochette, Snow Torch, la torche de neige. Voilà, ça vient tout juste de sortir, suivi par les Suédois de Bright Eye Bryson, ou Brisson si vous préférez. Concept album en deux parties de Magician Chronicles Part 1, ce qui veut dire que la deuxième partie va pas tarder. En tout cas là, ça c'est la première partie. En fait, il nous raconte l'histoire de Bright Eye Bryson. C'est suédois et c'est, ma foi, fort sympathique. On a traversé l'Atlantique et on est parti avec une nouvelle formation qui s'intitule Anabasis, avec un premier opus nommé Back from Being Gone, et un morceau que j'aime beaucoup, ne serait-ce que pour le titre, Carpe Diem. On continue, on retourne dans les pays scandinaves avec Moon Safari. C'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Il a un côté camel qui est bien sympathique. Un opus sorti en 2010, Lover's End, la fin de l'amant, de l'amoureux. Moon Safari tout de suite. Et je vous rappelle, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif sur le 100.7. Just can't fall asleep. Someone please give me a call. Summer is over, we've used all our dreams. Now I tumble in blind memories. You've changed your address, soon you'll change your last name. How I wish I'd changed at all. Help, I need to escape. I don't belong in here. Safari, et comme le faisait remarquer très justement mon compère Jean-Louis, ça ressemble pas mal à Yes et encore plus à Star Castle Moon Safari. Le groupe qui suit, lui, ressemble pas mal aux Flower Kings, et pour cause, puisque Agents of Mercy est produit par Ron Stolt. Nouvelle formation, nouveau groupe suédois, Agents of Mercy. Premier album intitulé The Black Forest, et je vous propose le morceau du même nom, éponyme comme on dit, The Black Forest, tout de suite sur Prog à part. You're listening to Prog à part, the progressive program in Lyon. come home. And all roads heralding long. Yes. superbe finale à l'orgue d'église. Agents of Mercy, premier album de Black Forest. Ils sont de retour, les Britanniques de Solstice, et c'est pour notre plus grand plaisir. À ma connaissance, c'est leur quatrième album. J'ai toujours aimé ce groupe, même s'il est resté très confidentiel. C'est pourtant un groupe qui a démarré à peu près au même temps que Pendragon, avec un son nettement moins néo-progressif, plus dans la grande tradition de Renaissance, Coverdard et autres. J'aurais même peut-être même osé une comparaison avec Silver Lining, mais on va dire, Thierry, arrête un peu. Ils arrivent donc avec un double album, c'est-à-dire un CD et un DVD live, produit et distribué par le petit label bien sympathique F2. Voici Spirit du groupe britannique Solstice. Alors Jean-Louis, ce petit solstice... Ah, c'est un beau solstice, hein. On est peut-être en hiver, mais c'est un beau solstice. Je trouve que... Un son bien rempli, comme tu disais. Hein. Oui, je t'entends. D'accord, non, je croyais que j'avais pas le son. Non, le tout son. va bien. Non, j'aime bien. En plus, bon, il faut le dire que les voix féminines en prog, on n'y en a pas souvent. Donc, oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que ça fait penser un peu, des fois, à un groupe connu qui est... Non, mais au-delà de ça, il y a un côté celtique qui devrait plaire pas mal de gens. Hein, et ça. Puis, le son est bien rempli. Il n'y a, ouais, pas de trou, comme je dis. C'est vraiment très, très bien rempli. La guitare, elle joue bien. Bon, je crois que c'est quelque chose à creuser un peu, là. Tout à fait. Alors, bon, autre chose que je te propose de creuser, c'est Nemo. Alors, on les connaît bien, Nemo. Groupe Dupuis en volet. Que tu as chroniqué avec Jean-Pierre Louveton, guitariste de haute volée, et les compères Nemo n'arrêtent pas de produire, ils produisent, et là viennent de sortir Révolution avec un S et non pas avec un T, avec un petit jeu de mots, il y a un dollar, etc., il y a un E d'euro, etc., et ma foi, je suis tombé par terre. J'ai littéralement adoré. Et donc, je te propose de découvrir le numéro 5 de cet album qui s'intitule « Seul dans la foule ». Tout de suite, Nemo. On a vraiment du mal à s'en remettre avec Jean-Louis. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que pendant longtemps, les groupes français avaient un peu, se sentaient vraiment petits par rapport aux grands groupes anglo-saxons. Là, on a quelque chose vraiment de haute volée, quoi. Je oui. crois qu'il n'a pas, il a pas honte à revendiquer ça. Hein. C'est vraiment, vraiment de, du bon son. Hein. Ah oui, puis le guitariste. Ah, Jean-Pierre, là, vraiment, il s'est déchiré. Déchiré, comme on dit maintenant. Il a envoyé du bois. Nemo Révolution, à ne pas rater, c'est vraiment un des meilleurs albums du mois. C'est des gens de la région, issus du Puy-en-Velay, j'en bégaye, à ne pas rater. À toi maintenant Jean-Louis, je crois que tu as ta petite séquence spéciale live. Alors une petite séquence spéciale, c'est une petite idée qui m'est venue au cours du concert, quand j'ai rencontré... quelques fidèles auditeurs de l'émission. Bonjour Michel, bonjour Jean-Louis, qui m'ont parlé de l'émission, de la dernière émission, qui m'ont dit, oh, le morceau que tu avais mis à la fin, là, c'était, ça a réveillé les chaumières. Et ça m'a donné une petite idée de vous faire une séquence aussi, un peu forte. Donc, augmenter les potards, on va vous passer un extrait d'un morceau et on en reparlera après le passage. Voilà, et on dit pas qui c'est, hein. Oh. pas dû faire quelques piges du côté de Nice en 75 ou c'est une idée comme ça? C'est bon, le chant est un peu daté, je trouve. Oui, ça date un peu. C'est du Yes, quoi. C'est du Yes. Hein. Même, donc Atlantide. Même pompé que ce Runabout. Hein. Non, et complètement. Hein. Bah, c'est intéressant quand même. Ouais. Disons que c'est intéressant. Un groupe donc de Jean-Pierre Massiera, originaire de Nice, avec Carpe Diem, le batteur de Carpe Diem, et d'autres musiciens. Atlantide. Le titre, c'est Atlantide. 2,75, ouais. Nice, j'ai tout dit, si, sauf que j'ai oublié que c'était réédité par la Moussea. Voilà, mais je ne connaissais pas, pourtant je suis de... À l'époque, j'étais à Nice en 75, mais pour moi, c'était... Le groupe, c'était Carpe Diem et surtout Shylock, qui était aussi de cette époque-là. Bon, bah écoute, tu vas nous faire quelques commentaires sur un autre groupe français, Ennead. Oui, alors le morceau qu'on nous a passé tout à l'heure, c'était un petit clin d'œil justement, parce que c'était une séquence un peu... Jeffienne, hein, en hommage à Jeff, un peu métallique, hein, on va dire. C'est simplement un extrait du morceau qui s'appelle Teardrops in Morning Dew, qui est le morceau éponyme du dernier album d'Ennead, que l'on a pu voir en compagnie de Silver Lining et de One Minute Alone il y a une dizaine de jours au château de Saint-Anin. Et donc c'était un petit clin d'œil à Ennead. Alors le concert, on peut en parler. Thierry, tu peux aussi en parler. Hein. Oui, Silver Lining, bon. Château de Saint-Anin, je précise, Solèze, hein, Solèze, donc oui. Près de Lyon. Donc Silver Lining, donc, qui débutait la soirée, nous a fait des morceaux très, beaucoup de nouveaux morceaux. On va dire même quasiment, à part le dernier morceau, tout le reste sont des nouveaux morceaux qui ne sont pas encore édités. Dont le Sylvania, je crois. Sylvania, qui est un duo piano-violon de toute beauté. C'est assez acoustique, suivi par Ennead, qui est plutôt cette beaucoup plus métal, hein, qui était remarquable. Dont ce morceau, Teardrops, qui fait 21 minutes. Donc nous, on a passé le morceau, la partie la plus violente du morceau, c'est une histoire dramatique d'un accident sur la route avec le narrateur qui se rend compte que sa femme est morte à côté de lui. Donc il passe par tous les stades de l'hébétitude. Là, c'est la haine totale, la violence envers le monde entier. La révolte. La révolte. Enfin, c'est le parti que vous a passé. Et puis après, pour la fin, c'est un retour au calme et la vie reprend. Donc, c'est un morceau qui fait 21 minutes et qui vaut l'achat du disque. Après, on a le dernier concert. C'était assez tard dans la soirée. C'est un jeune groupe lyonnais, hein, je crois. C'est de la région. Oui. One Minute Alone. One Minute Alone. J'avoue que je suis pas resté jusqu'au bout. C'était tard. C'est un jeune groupe. C'est assez intéressant. Ils n'ont pas encore fait d'album, mais ce serait intéressant de les écouter sur album. Guitare, clavier, pas mal. Un petit bémol. La chanteuse avait une voix un peu trop monotone, monocorde. Donc ça, c'est dommage parce que une chanteuse, encore une fois, c'est dommage. Mais bon, c'est des conditions de scène ne sont pas forcément évidentes. Hein. Faut relativiser tout ça. Ouais. Donc, on attend l'album et on aura peut-être une meilleure idée de ce qu'ils peuvent faire. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. D'autres choses? Non, je pense que tu as fait le tour. Il y avait une centaine de personnes, une petite centaine de personnes. Un lieu un peu perdu, mais assez magique. Parce que même si le côté extérieur était un peu zone... L'intérieur était intéressant. On a joué dans une grande salle à manger avec plafond à la française. Donc un bon son, et puis une organisation vraiment remarquable. Les gens étaient vraiment très très gentils. Pascal a mouillé la chemise pour le son et la lumière. Donc pour ça, c'était... Moi, j'ai bien apprécié. Donc, chronique dans le prochain Acid Dragon avec quelques photos. Bah, on peut dire d'ailleurs qu'il est sorti, Acid Dragon, tiens. Le nouveau, mais... Ouais. Il est sorti, oui, il est sorti d'ailleurs au moment de... Ouais, alors tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a au sommaire de Acid Dragon. Pendant que tu le sors, je vais dire déjà qu'il y a une story vue par la plume de Olivier Sauce, donc une story bien particulière de Marillion, de la discographie de Marillion, vue avec son point de vue, qui est, vous verrez, qui laisse pas indifférent. Donc il y a déjà ça. Une interview de Bernardo Lanzetti, chanteur de PFM d'Acqua Fragile, qui est intéressante. Interview de The Tangent, groupe de néo-prog, un petit peu Canterbury aussi, moi que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu vois encore en couverture, mon ami? Là, je commence à... Tangerine Dream. Tangerine Dream, effectivement, une story... je crois que c'est la deuxième partie, je ne dis pas de bêtises. Il y a des chroniques à foison. Qu'est-ce que tu Earth, vois encore? Wind and Fire. Earth and Fire, sans le wind. Bien c'est sûr. Un groupe pas très connu, à part des progueux, qu'un groupe donc batave, comme on dit, hollandais, des 70s, avec une voix féminine, énormément de mélotrons, et qui nous ont fait des albums vraiment prestigieux, symphoniques à souhait. Mmh. Voilà, j'ai apporté également, et je voudrais te faire un petit peu travailler, le nouveau Classic Rock Present. Ah oui, Presents alors. Prog. Alors ça, c'est ce fameux magazine dont je parle à chaque fois, magazine luxueux en papier glacé, somptueux, qui est vendu en kiosque, s'il vous plaît, en Grande-Bretagne. Et donc, il vient tout juste de sortir. Là, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce matin. Qu'est-ce que tu vois de beau au sommaire? Alors, une belle annonce quand même, c'est que début décembre, le 5, je crois, va sortir live de Yes. Un DVD, ouais. DVD Yes. Live à Lyon. Incroyable, mais ouais. C'est alors... ce qu'on a vu le 1er décembre 2009. J'espère que tu as crié fort, qu'on puisse te reconnaître dans les applaudissements. Oui, bah on était pas mal. Hein, C'est vrai que la prestation était vraiment intéressante de ce soir-là. C'est là où j'ai fait les plus belles photos que j'ai fait de concert, je crois. Ouais. Donc ça sort bientôt. Avec alors, un bon je sais au-dessus, c'est à Lyon. C'est ce qu'on a vu pour les Lyonnais, c'est ce qu'on a vu il y a deux ans. Exactement. Exactement, jour pour jour. Voilà. Autrement, au niveau des articles et tout, j'ai vu qu'il y avait un dossier sur Peter Hamill, oui. Quelqu'un que t'aimes beaucoup. Oui, Peter Hamill. De Vandagraff Generator. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore? Il y a tellement de choses qu'on pourrait y passer une heure. Ouais. Regarde sur la pochette en carton, t'as tous les principaux. Voilà, donc Hawkwind. Hawkwind. Ouais, donc dossier complet sur Hawkwind. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore? Cannes. Oui, Cannes, Tago Mago qui est chroniqué. Nightwish qui est chroniqué Nightwish, aussi, parce ouais. que c'est du métal, mais ouais. avec des tournures prog. D'ailleurs, qui sortent un nouvel album le 5 décembre aussi, je crois. Ouais. Donc ça va être deux achats le même jour, parce que je suis très fan de Nightwish. Tu as raison. Voilà, donc c'est somptueux, c'est trimestriel. C'est... Avec un CD gratuit dedans. Non, c'est anglais. Remarquez, Acid Dragon aussi offre un CD. Hein. C'est pas tout à fait la même présentation. Ouais. Ah bah oui, on n'a pas les mêmes moyens. Voilà, donc ça se trouve en Grande-Bretagne, ça se trouve par abonnement. Et pour les Parisiens, on trouve ça chez Gibert, ainsi que chez W.H. Smith, donc vous savez, la librairie anglaise rue de Rivoli, et chez Gibert, donc pas loin de la Sorbonne. Voilà, vous trouverez ça, vous avez de la chance. Je vous conseille très fortement, c'est vraiment un pur régal. Jean-Louis, un alors, pur régal avec... On va finir en apothéose, je crois, la soirée, par un coffret qui a été chroniqué dans l'avant-dernier site Dragon, qui s'appelle Prog Exhibition, qui était un festival qui a eu lieu l'année dernière en Italie. À Rome, pour être précis. Qu'avec des groupes italiens, et qui a eu encore lieu cette année. Donc, exactement. Parlons de celui de l'année dernière, avec... entre autres, quelques groupes qu'on ne connaît pas forcément, Synesthesia, The Trip, Periferia del Mundo, je ne sais pas si c'est très connu non plus. The Trip déjà un peu plus. Abash. Oui, c'est des petits jeunes. Des petits jeunes. Et après on attaque Mascara di Serra, qui commence déjà à être très connu. Oui, ça commence, oui. Après on attaque par, on peut dire aussi celui-là, Nuova. Alors, Nuova Recomendata con... Ricevuta di Ritorno, ça veut dire nouveau recommandé avec accusé de réception, un groupe légendaire des 70s qui avait fait qu'un seul album de mémoire, mais fort intéressant. Ouais. Après, on continue avec Aldo Tagliapetra, Pietra, Tony Pagliaducca, Luca, pardon, et Tolo Marton. Bon, grosso modo, c'est Les Ormes. Les Ormes. On continue avec Osana, qui est aussi, aussi remarquable, un groupe qui fait partie des quatre, on va dire, il y a trois, mais le quatrième c'est Osana. On continue avec PFM, aïe aïe aïe, et on finit par Banco. Carrément. Donc vous voyez, c'est un festival très intéressant. Alors coffret qui est à la fois audio et vidéo. Et donc, bien sûr, Thierry m'a avoué qu'il s'est jeté dessus et il a tout regardé d'un coup. Moi, c'était un peu mon cas quand j'ai vu la vidéo. Et alors là, franchement, il n'y a pas que les groupes, il y a aussi des invités. Oui, alors c'est David Cross qui vient jouer avec les Hormets. David Cross, c'est qui déjà ? C'est violoniste, le premier violoniste de King Crimson. Ouais. Il y a Ian Anderson, le flûtiste, unijambiste et chanteur, qui vient jouer avec PFM. Il y a Thijs van Leer, flûtiste, chanteur de Focus. Focus. Ouais. Qui vient jouer avec les recommandés. Ouais. Donc après, il y a David Jackson, qui lui fait carrément le set complet avec Ozana, avec un autre invité, Gianni Leone. Alors attends, David Jackson, qu'est-ce qu'il fait ? David Jackson, saxo, flûte de Van der Graaf. D'accord. Donc lui, il fait carrément tout le set, hein, d'accord. Attends, et avec un autre invité, Ozana, de Gianni Leone. Baletto di Bronzo, que je connais pas, mais qui est superbe, un clavieriste groupe aussi, très extraverti. Ouais, superbe groupe des 70s. Un peu échappé de Rocky Horror Picture Show, je dirais. Ouais, ouais. Mais avec un son de Hammond absolument à décorner les bœufs. Qui donc, est passé au Proc Sud et qui avait fait sensation. Alors, donc dans ces pépites-là, il y a vraiment, moi personnellement, c'est Ozana qui est vraiment sorti. Et John Wetton hein, qui intervient avec Banco, mon ami. Hein. Oui, alors c'est dommage parce que Wetton ne fait pas partie, il n'est pas dans le coffret pour des raisons de copyright. Ouais. Mais rien. On le trouve. Voilà. On le trouve sur Internet. En cherchant, voilà, on peut le trouver. En cherchant, on le trouve. Voilà, donc, ouais, on peut le trouver. Tenez-vous bien, c'est pas sur le DVD, document c'est pas amateur. Sur le CD et il joue... Starless avec Banco. Voilà, et un morceau de Banco, ça, c'est Non mi rompete, si je dis pas de bêtises. C'est de dommage que ça se passe dans le coffret. Fort dommage, oui. Alors, toi, tu as craqué sur Ozana. Ozana, alors. C'est vraiment. Alors là, c'est de la folie douce. C'est un mélange de folk, de commedia dell'arte, de rock, du prog, enfin tout ce que vous voulez, même de jazz. Et donc, je vous propose un morceau qui dure 12 minutes, qui est un medley en fait. Qui ouvre le concert du DVD et vous allez voir, c'est absolument jouissif, festif, enfin, et en vidéo c'est encore mieux. Tout de suite, Ozana. Petit village gaulois. Sol, 100.7. serro, serricchio, serracchia e o sirricchio! Zitti, appassatevi orecchie, di sì queste cose per giovane e vecchie, so solamente quattro parole che roce vene, la rinda lo cuore, lui vorrebbe da molto lontano per farvi conoscere i napolitani, viaggiando per cielo, per terra e per tana, cavarca che rozzi a funicolare, portandoci a presso due valigia, una gianca e la tua grigia, tutti in favola, per ogni tormenta, amore, guerra, ricca e paziente, ma e due valigie sono vincere, e beh! E non ci trasevano queste cose belle. E che c'è portato? E vanno portate questi musicanti, con un sassofono e un cantante, per farvi sentire quattro canzoni che lo cantiamo con tutta passione. Con tutta passione. Ma faccia la gente che faccia appese, diciamo, buia di sto paese, buia di sto paese, buia, buia, buia di sto paese. C'è l'amore nelle C'est des fous ces gars là, c'est un melting pot, en même temps c'est festif. C'est de la folie, c'est de la fête. Je crois que ils ont ce morceau est schématique de tout ce qu'ils font sur scène. C'est voilà, c'est à voir, c'est à écouter, c'est à découvrir. David Jackson est complètement déjanté avec ses saxos. Hein. Il joue trois types de saxos et il joue même deux saxos en même temps. La flûte, c'est lui aussi. L'harmonica, c'est le chanteur. Enfin bon, il y a plusieurs chanteurs. Ils sont tous grimés. C'est la fête, quoi. Mais c'est vraiment un groupe de scène qui est totalement. Et ils sont doux, parce que justement, ça peut expliquer. Ah, c'est des Napolitains, alors c'est très exubérant. Hein, on sent bien. Et le guitariste me fait vraiment penser au guitariste de Ange. Ok, bien, Jean-Louis, merci à toi pour cette visite, pour ces moments passés. On va se séparer, hein, puisque bon, on a largement rempli notre contrat. On se donne rendez-vous le 19 décembre, ce sera bien lundi, mais un petit peu en avance, parce que tout simplement, il y a Noël. Donc, on fait une émission un peu en avance, et soyez rendez-vous, parce que c'est une émission très spéciale, j'aurai un invité, Franck Carducci, qui est un guitariste lyonnais qui habite aux Pays-Bas, qui a sorti un album superbe, d'ailleurs, j'avais passé des extraits ici. Donc il sera là avec son disque, avec sa guitare, et donc je pense qu'on va passer un bon moment. Jean-Louis, merci à toi. Merci Thierry pour ton accueil, et puis peut-être que je viendrai aussi dans quelques semaines. Et ciao tutti. Salut, salut, et tenez tati, à que la prochaine.